C'était une sorte d'international du crime et de la terreur. Une pieuvre dont les tentacules reliaient plusieurs polices secrètes d'Amérique du Sud entre elles. C'était alors le temps des dictatures militaires. Et les généraux au pouvoir au Chili, en Argentine, en Uruguay, au Paraguay, au Brésil et en Bolivie avaient conclu cette union sacrée pour éliminer plus efficacement leurs opposants de gauche respectifs et d'abord empêcher qu'ils ne trouvent refuge chez leurs voisins. Mais ils n'entendaient pas en rester là. L'ultime phase prévoyait que la guerre anti-subversive s'étendrait en Europe où de nombreux militants démocratiques sud-américains s'étaient exilés. Tortures, assassinats, détentions illégales ont donc été le lot quotidien de cette redoutable alliance qu'on a appelée le plan Condor. Condor comme ce rapace emblématique des montagnes andines. Selon des archives miraculeusement retrouvées en 1992 au Paraguay, plus de 13 000 opposants ont été les victimes de cette sanglante répression. Mais les organisations de défense des droits de l'homme estiment, elles, que le sinistre bilan du plan Condor doit être revu à la hausse. 50 000 assassinats, 35 000 disparitions et des centaines de milliers d'arrestations. Sans compter les centaines de gosses arrachés à leurs parents et placés dans des familles de militaires en mal d'enfants. Cette lutte anti-subversive menée à l'échelle d'un continent n'a pu être organisée sans le soutien actif des services secrets américains. Les États-Unis, toujours prompts à voir la main de Moscou derrière les mouvements qui s'opposaient aux dictatures en place, ont encouragé les acteurs du plan Condor. Peut-être même ont-ils été à l'initiative de ce plan, mais d'après M. X, ils n'ont pas été les seuls et des services français aussi ont collaboré à cette terrible entreprise. La France concernée donc, et d'autant plus que certains de nos concitoyens ont été les victimes des militaires sud-américains. Par exemple, un juge d'instruction, Roger Leloir, instruit toujours les plaintes des familles de 5 Français disparus sous le régime du général Pinochet. Et il faudrait aussi parler d'autres Français résidant en Argentine et qui ont été éliminés par les tortionnaires du général Videla. Autant de victimes du plan Condor. Condor, ça vous dit quelque chose? Ah oui, c'est le nom d'un bel oiseau. Un très beau rapace, oui. Mais rappelez-vous, les soldats nazis envoyés par Hitler combattre aux côtés des troupes franquistes pendant la guerre civile espagnole. Ah oui, la Légion Condor, c'est oui. Ça ouais. Et ce n'est peut-être pas un hasard si presque 40 ans plus tard, les promoteurs du plan Condor ont choisi ce nom. Une fâcheuse réminiscence, mais qui en dit long. Mais c'est leur conviction politique, c'est ça? Naturellement. Tous ces militaires sud-américains qui s'étaient emparés du pouvoir par la force étaient des extrémistes de droite. Ouais, des fascistes. Si vous voulez, faut pas oublier non plus qu'un grand nombre de nazis ont trouvé refuge en Amérique du Sud après l'effondrement du Troisième Reich. Beaucoup y ont prospéré, certains sont devenus de précieux conseillers pour les polices locales. Klaus Barbie en Bolivie, par exemple. Exactement. Ouais. Ou comme les ex-nazis de cette colonie allemande où, sous Pinochet, de nombreux Chiliens ont été séquestrés et brutalisés. Mmh. Mais refermons la parenthèse. Ouais. Alors, le plan Condor, là, il a été établi quand? Au milieu des années 70, et très discrètement, bien sûr. Mmh. Donc, après le putsch de Pinochet, hein? Oui. Et les deux faits ne sont pas sans rapport, car l'un des inventeurs, si je puis dire, du plan Condor sera justement le chef de la police secrète de Pinochet. Manuel Contreras. Mais autant le dire tout de suite, le plan Condor, même s'il n'avait pas encore été créé, existait déjà en filigrane. Et naturellement, la CIA se trouvait derrière. Vous allez encore faire de l'anti-américanisme primaire? Pas du tout. Et la meilleure preuve, c'est que je vous parlerai aussi de l'implication de nos propres services. Enfin, un peu de patience. Ouais. Alors, la CIA, c'est ça? Oui, les États-Unis, on en a souvent parlé ensemble, ont toujours considéré qu'ils devaient exercer une sorte de tutelle sur l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Ouais. Afin de préserver leurs intérêts économiques. Essentiellement. Mais il y avait aussi la politique de défense. Et justement, les Américains ont de bonnes raisons de s'inquiéter après la victoire de Fidel Castro. Ouais, la peur de la contagion communiste. Oui, car Fidel Castro et son ami Guevara suscitent de nombreuses vocations en Amérique latine. Des guérillas. Oui, c'est une véritable vague révolutionnaire qui déferle dans les années 60. Et à Washington, on se rend compte que la plupart des États latino-américains sont incapables de faire face efficacement à cette subversion qui monte. Il faut donc les aider. C'est évident, et sous l'impulsion du président Kennedy, la CIA va renforcer toutes ses antennes en Amérique latine et développer un véritable réseau de services de répression. Ça ressemble beaucoup à ce que les Américains ont créé après-guerre en Europe. Le réseau Gladio, vous voulez dire. Oui, un appareil clandestin, destiné d'abord à faire face à une invasion soviétique, mais qui dégénérera bien vite en une organisation anticommuniste qui fricotera avec les pires mouvements d'extrême droite. Oui, et surtout qui infiltrera les services secrets occidentaux. Hein. Naturellement, on l'a bien vu en Italie ou en Belgique. Mais enfin, revenons à l'Amérique latine. Les agents de la CIA qui agissent souvent sous la couverture d'organisations humanitaires, comme par exemple l'Agence pour le Développement International, sont donc chargés de conseiller et d'instruire les policiers locaux. Et parfois, bien entendu, ils mettent eux-mêmes la main à la pâte. Mais quand vous parlez d'instruction, c'est ça? Oui, il ne faut pas se voiler la face. Il s'agit de les familiariser avec les méthodes de répression les plus dures. Et c'est là que les Français vont jouer un rôle. Attendez, pourquoi les Français? Parce qu'il se trouve qu'en matière de lutte anti-subversive, nous avons une certaine expérience. Vous voulez dire quoi, l'Algérie? Et avant l'Algérie, l'Indochine. Vous voulez parler de la guerre psychologique, c'est ça? Oui, cette doctrine de la guerre anti-subversive qui a été mise au point par de jeunes officiers français engagés en Indochine. Des hommes qu'on retrouvera plus tard en Algérie, où ils appliqueront systématiquement leur théorie avec la brutalité qu'on sait, enfin en particulier lors de la bataille d'Alger. Ce seront aussi les inspirateurs du putsch des généraux. Tout à fait. Et en quoi, on ne va pas aller trop loin, mais enfin en quoi consiste exactement cette doctrine-là? D'abord, ces jeunes officiers se sentent investis d'une mission. Ils sont les défenseurs du monde libre et de l'Occident chrétien. Contre le communisme. Évidemment. Ouais. En Algérie aussi? Bon, ils ne font aucune différence entre les maquisards communistes qu'ils ont combattus dans la jungle indochinoise et les Felagars. C'est le même combat qui continue. Tout à fait. Alors comment lutter avec le maximum d'efficacité contre les communistes, sinon en s'imprégnant de leur propre méthode? C'est ainsi que ces officiers, parmi lesquels le colonel Trinquier sera un pionnier et un maître à penser, lisent assez naïvement Mao Zedong. Et ils y découvrent que le militant révolutionnaire doit évoluer au milieu de la population comme un poisson dans l'eau. Ouais, formule célèbre. Bien sûr. Par conséquent, si on veut capturer les révolutionnaires ou les éliminer, il faut vider le bocal dans lequel nagent les poissons. Et donc s'attaquer à la population. Ou au minimum faire en sorte que ces militants révolutionnaires ne soient plus en sécurité parmi cette population. Oui, mais concrètement, comment ça se traduit? Par la peur, l'insécurité, le soupçon permanent. Prenons en exemple la bataille d'Alger où l'armée s'est vue confier les plein pouvoir. Trinquier, qui mène lui-même les opérations sous la direction du général Massu, met en pratique ces théories. Mais comment La ville est systématiquement découpée en secteurs, les habitants algériens sont fichés, les rafles sont innombrables, les suspects automatiquement torturés, et quelques-uns disparaissent à tout jamais. Ouais. Les tristement célèbres crevettes Bijard. Oui, tous ces hommes qu'on retrouvera dans le port d'Alger, les pieds lestés de béton, d'autres retournés ou pas, sont sciemment relâchés dans la nature. Afin qu'on les considère aussitôt comme des traîtres. Oui. Et ils sont ensuite victimes de leurs propres frères parce qu'on les soupçonne d'avoir parlé. Bien entendu. Le résultat, c'est que la population musulmane est terrorisée. On voit des mouchards partout. Et les rares militants FLN qui n'ont pas été arrêtés doivent fuir la ville en toute hâte et gagner le bled. Techniquement, au moins, c'est donc un succès. Faut malheureusement reconnaître, oui. Les parades Massu ont gagné la bataille d'Alger. Ils ont eu l'impression d'effacer l'humiliation indochinoise. Mais ils ont perdu leur arme. Bon, ça, c'est libre à vous de le penser. Mais pour ces officiers théoriciens de l'action psychologique, seule l'efficacité comptait. La fin est peu importait les moyens. Toutefois, je ne veux pas leur trouver des excuses. Il faut souligner la responsabilité du pouvoir politique. C'est quand même Paris et le gouvernement de Guy Mollet qui ont fini par accepter que l'armée soit dotée des pleins pouvoirs à Alger. D'accord, mais enfin, il semble bien que le président du Conseil a été mis devant le fait accompli par... Robert Lacoste, qui était alors le ministre résident à Alger. Hein. Qu'est-ce que ça change? Guy Mollet pouvait désavouer son ministre, il ne l'a pas fait. Bien, bien. Et si nous revenions à l'Amérique latine, c'est donc l'expérience acquise par les militaires français qui intéresse la CIA, c'est ça? Oui, et on va retrouver à cette occasion un homme qui a récemment défrayé la chronique. Qui alors? Le général Osares, l'homme qui n'a pas hésité à revendiquer haut et fort son passé de tortionnaire et de tueur. Je vous l'ai dit au début de cette émission, à Paris, un juge d'instruction, Roger Leloir, instruit les plaintes de plusieurs familles de citoyens français disparus sous la dictature argentine. En mai 2001, il convoque un spécialiste, le trop célèbre général Osares, dont M. X vient de nous dire qu'il a joué un rôle en Amérique du Sud. Dans son numéro du 15 juin, le magazine Le Point commente sous la signature de Pierre Abramovici. On sait le général octogénaire, intarissable sur la torture en Algérie, que sa mémoire est d'une effarante précision et que ses déclarations sont d'un cynisme gênant. Le juge Leloir ne conçoit donc pas la moindre inquiétude À lui, le magistrat dont l'instruction a démarré à la suite de la plainte de famille de disparus français au Chili en Argentine au début des années 70, le général, pense-t-il, va tout détailler sur son rôle en Amérique latine à cette époque. Mais Osares n'a pas passé sa vie dans les services secrets pour rien. S'il parle ou s'il écrit, c'est qu'il l'a décidé. Et là, surprise, au palais de justice, sa mémoire flanche sur les événements d'Amérique latine. Il ne sait même pas, affirme-t-il au juge, ce qu'est un deuxième bureau, le service de renseignement de chaque état-major. Tout juste, admet-il du bout des lèvres qu'il est effectivement un spécialiste de la lutte anti-subversive. Et surtout, il confirme ce que le juge sait déjà, il a bien été l'attaché militaire français au Brésil entre 1973 et 1975. Osares, c'est un militaire, mais d'abord un homme des services. SDEC ? Oui, comme Trinquier. Lorsque ce dernier a créé en Indochine le fameux groupement des commandos mixtes aéroportés, c'était à la demande du SDEC. Mais nous en avons déjà parlé. Ouais, la drogue. Oui, les parades Trinquier, pour s'assurer de la collaboration des Méhou, se sont mués en trafiquant d'opium. Enfin, passons. Osares, pour revenir à lui, était l'un des officiers du 11e choc, le bras armé des services spéciaux. Ouais. Et c'est en tant que tel qu'il a servi en Algérie ? Exact. C'est ce spécialiste hautement qualifié de la guerre anti-subversive qui a intéressé les Américains. Mais une petite parenthèse auparavant. Inspirés ou non par les Américains, ce sont d'abord les militaires argentins qui sont venus quêter les conseils éclairés des parades d'Alger. Ouais, pourquoi les Argentins ? Au milieu des années 50, en 1955 je crois, Perón a été renversé par une junte militaire. Mais les péronistes très influents dans les couches populaires ne se sont pas résignés. Et le nouveau pouvoir doit faire face à une sérieuse agitation. Mmh. D'où l'idée d'appliquer les méthodes des officiers paras. Oui, un colonel qui sera, notez-le bien, le futur chef de la police sous la dictature de Videla vient à Paris. De retour dans son pays, il crée, à l'école de guerre, un cours sur la guerre révolutionnaire communiste. Ça mérite d'être clair. En effet. Un peu plus tard, après le 13 mai 58, de jeunes officiers argentins viendront aussi faire un voyage d'études à Alger. À la source, donc. Et en parfait accord avec les autorités de notre pays. Et l'affaire se terminera par l'envoi en Argentine d'une mission militaire française permanente, chargée d'enseigner les méthodes de la guerre anti-subversive. On retrouvera bien sûr la plupart des officiers qui suivront ces cours très spéciaux dans les équipes qui multiplieront les exactions et les assassinats sous la dictature dans les années 70. Le futur général Videla sera d'ailleurs un auditeur très attentif de cet enseignement distribué par des instructeurs français. Alors si je vous suis mis à la France, a donc une responsabilité indirecte dans ce qui s'ensuivra. On ne peut malheureusement le nier. Remarquez que cette coopération militaire avait aussi un autre avantage pour Paris. Ça permettait d'éloigner quelques officiers français un peu trop remuants qui auraient à l'évidence rejoint le carteron des généraux putschistes d'Alger. Ouais, effectivement, c'est pratique. Et Osares, alors ? Lui, à l'époque, il n'a pas encore mis ses talents au service des militaires d'Amérique du Sud. Ça viendra plus tard. Mais il a déjà été repéré par la CIA et au début des années 60, il devient instructeur à Fort Bragg, une école américaine très confidentielle où sont formées les forces spéciales et les hommes de la CIA. Il y va en tant que représentant des services secrets ? Naturellement, il ne pouvait en être autrement. Et répétons-le encore une fois, c'est le spécialiste incontesté de la guerre anti-subversive qui a attiré l'attention des Américains. Une guerre qu'ils s'apprêtent d'abord à mener au Vietnam, où ils vont se trouver de plus en plus engagés. L'un des élèves d'Osares sera d'ailleurs nommé ambassadeur à Saigon. Et il mettra à profit l'enseignement qu'il a reçu. Ça se traduira par quelques milliers d'arrestations arbitraires et d'exécutions sommaires. Ce que vous dites est très grave, parce que ça signifie que nos services secrets ont été directement impliqués. Il faut le reconnaître. Et plus tard, quand le plan Condor sera mis en place, nous ne manquerons pas d'être immédiatement informés. Oui, à cause de ces liens qui ont été tissés au fil des années. Oui. Ouais. Mais comment, enfin, expliquer ou justifier cet engagement français ? D'abord, il faut bien avouer que dans les services actions, on ne trouvait pas beaucoup de progressistes. Bien au contraire. Il faut rappeler, par exemple, que le SDEC n'a jamais voulu s'engager dans la lutte contre l'OAS. Ouais, ce qui explique que le gouvernement ait fait appel à des barbouzes. Et à d'authentiques truands. La seconde raison est plus terre-à-terre. C'était quand même la première fois que les Américains reconnaissaient notre compétence. Vous vous rendez compte ? La puissante CIA faisait appel à nos spécialistes. Elle leur demandait d'instruire ces cadres. Et ça flattait, comment dire, notre fierté. Eh oui, c'est aussi simple que ça. Et c'est pourquoi un type comme Osares a collaboré sans état d'âme avec ses collègues d'outre-Atlantique. Après tout, pour lui, c'est la même guerre qui se poursuivait, une guerre à l'échelon du monde entier contre la subversion et le communisme au nom de l'Occident chrétien. Ouais. Est-ce que l'enseignement de Osares va aussi bénéficier aux agents de la CIA qui vont intervenir en Amérique latine ? Forcément. Les pays sont différents, mais les méthodes sont les mêmes. Et les recettes qui ont été utilisées à Alger et au Vietnam vont servir en Amérique du Sud. Et cela avant même l'élaboration du plan Condor, c'est-à-dire avant que les dictatures militaires en place dans les années 70 n'unissent leurs efforts pour lutter contre leurs opposants de gauche. Vous avez dit plus haut que très peu de temps après la victoire de Fidel Castro à Cuba, la CIA renforce ses stations en Amérique latine. Oui, il s'agit, si vous me passez l'expression, de muscler les services de répression de ce pays. Et alors, de leur transmettre les leçons qu'ils ont eux-mêmes apprises des Français. C'est ça, hein, et à cet effet, le président Eisenhower... Eisenhower, donc, il faut le rappeler, dont le vice-président était Richard Nixon. Hein. Vous avez raison de le souligner, car Nixon et son secrétaire d'État, Henry Kissinger, auront plus tard une grande responsabilité dans la genèse du plan Condor. Donc, Eisenhower, peu de temps avant la fin de son deuxième mandat, crée un office de sécurité publique, OPS en anglais. Dans quel but alors ? Bon, au départ, il s'agit, en liaison avec la CIA, d'implanter des hommes au sein des polices à travers le monde. Des agents, vous voulez dire ? Bien sûr. Mais c'est avec l'arrivée de Kennedy à la Maison-Blanche que l'OPS va donner toute sa mesure. L'objectif est maintenant de fournir aux différentes polices l'instruction et l'équipement qui leur permettront d'être le plus efficace possible dans la lutte contre la subversion. On envoie donc des spécialistes de la CIA qui, sous couvert d'actions humanitaires, vont former à leur tour des techniciens locaux. Ouais, des techniciens. Bah oui, comment voulez-vous les appeler autrement ? Ces types ont appris à tuer, à torturer, c'est leur métier. C'est ainsi qu'on va assister à la création de véritables escadrons de la mort qui vont semer la terreur. Ouais, des escadrons qui regroupent ces techniciens, comme vous dites. Oui, on y trouve des policiers, des militaires, des hommes qui, selon les pays, agissent plus ou moins officiellement. Ouais, toujours sous le contrôle des hommes de la CIA ? Presque toujours. Alors, vous parlez de quelles années, là ? Des années 60 et du début des années 70. C'est-à-dire à une époque où certains pays d'Amérique du Sud ne sont pas encore dirigés par des militaires. C'est juste. Mais même dans les pays encore soi-disant démocratiques, les militaires piaffent. Et ils ne s'embarrassent pas de trop de précautions ou de scrupules quand il s'agit de lutter contre les mouvements d'extrême-gauche qui s'inspirent directement de l'expérience castriste. Bien sûr, les gouvernements ferment les yeux, ils ne peuvent pas faire autrement. La menace des militaires ? Et la pression des États-Unis. Une pression physique et constante. Rappelez-vous la traque de Che Guevara en 1967. Ce sont les para-américains qui sont directement engagés aux côtés des Rangers boliviens. Et c'est de l'anglais, le siège de la CIA, que viennent les ordres. Mais quand nous en avons parlé, vous m'avez laissé entendre que le Che avait été trahi par les siens ? Oui, par Moscou, allié objectif de Washington. Moscou qui n'avait nulle sympathie pour un gauchiste qui n'hésitait pas à mettre en cause l'impérialisme soviétique. Mais il me semble qu'une nouvelle fois, nous nous éloignons. Ouais, cette fois-ci, c'est de ma faute. Hein. Avez-vous vu le film de Costa Gavras, État de siège ? Oui, avec Yves Montand dans le rôle principal. Hein. Oui, ouais. Ce film, comme souvent chez Costa Gavras, a été inspiré par une histoire vraie. La vie et la mort d'un de ces techniciens dont je vous parlais. Un technicien de la torture, un certain Dan Mitrion. Je reviens un instant à l'excellente enquête de Pierre Abramovici, parue en juin 2001 dans le magazine Le Point, et j'y lis ceci. De 1956 à 1963, les Français auront formé toute la génération montante des militaires argentins. En 1963, les instructeurs français connaîtront pourtant une éclipse après qu'un énième coup d'État a porté au pouvoir une frange pro-américaine de l'armée. Malgré tout, la mission militaire française est maintenue, passant de la lutte anti-subversive aux ventes d'armes, jusqu'au début des années 70. En 1973, les affaires reprennent. Le retour du général Perón après 20 ans d'exil, puis sa mort l'année suivante, marque le début du chaos politique en Argentine. L'armée, qui se considère garante de la sécurité de l'État, commence sa guerre contre les opposants et les guérillas d'extrême-gauche. En 1973, des soldats argentins participent à des stages de lutte anti-subversive, notamment dans le sud du pays. On leur diffuse des films sur la guerre d'Algérie, uniquement les scènes de torture, dira l'un d'entre eux. Il s'agit sans doute du film de Gilles Pontecorvo, La bataille d'Alger, dont Trinquier a fait l'éloge public en insistant sur sa véracité documentaire. À Paris, on enregistre la demande de l'armée de terre argentine de voir la mission militaire française revenir à sa fonction originelle. Pierre Messmer, devenu Premier ministre de Georges Pompidou, c'est que les Argentins souhaitent le retour des instructeurs français spécialisés dans la guerre anti-subversive. Ils le confirment aujourd'hui. Ils les voulaient, ils les ont eus. L'Argentine est un pays indépendant, il n'y avait pas de raison de leur refuser ce qu'ils demandaient. Un peu plus loin, Abramovici écrit encore qu'un certain lieutenant-colonel Henri Grand-Desnon Dans un discours devant l'école de guerre de Buenos Aires, prononcé en 1960, met l'accent sur la place centrale de l'armée dans le contrôle social de la population et la destruction des forces révolutionnaires. Les dictateurs argentins ne diront pas autre chose. Parlez-moi de ce Mitrione. Volontiers, parce que l'histoire de ce type illustre parfaitement l'action de la CIA en Amérique du Sud dans ces années-là. Et les promoteurs du plan Condor ne feront au fond que reprendre à une plus grande échelle les méthodes et les idées de Mitrione et des siens. Alors d'où vient-il ce type-là ? Mitrione, grand, blond et baraqué, a commencé sa carrière dans la police, tout de suite après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Simple flic ? Oui, mais doué, semble-t-il, d'un remarquable sens de l'organisation. Il gravit peu à peu les échelons et entre au FBI. Et en 1960, sans doute sélectionné par l'OPS, cet office de sécurité dont je vous ai parlé, il est envoyé au Brésil. Sa mission. Mitrione est officiellement consultant en sécurité, c'est-à-dire qu'il est chargé d'instruire les policiers brésiliens et de les familiariser avec les matériels les plus modernes, utilisation de la radio, installation de caméras de surveillance dans les lieux publics, masques à gaz, bombes lacrymogènes, etc. Ouais, jusqu'à là, il n'y a pas grand-chose à redire. Vous avez raison. Apparemment, son travail est anodin et relève de la simple coopération internationale. Ouais, en réalité, l'agent Mitrione apprend aux policiers brésiliens les techniques d'interrogatoire les plus sophistiquées. La torture, vous voulez dire ? Naturellement, car Mitrione est devenu un spécialiste. Il a même théorisé ce qu'il n'hésite pas à considérer comme une sorte d'art. L'art de torturer. Exactement. Et ses cours commencent toujours par une véritable leçon d'anatomie. Il s'agit de faire comprendre à ses étudiants comment fonctionne le système nerveux humain. Selon lui, il faut d'abord, avant toute chose, évaluer l'état physique du sujet qu'on va interroger. Ouais. Qu'on va torturer, vous voulez dire ? Bon, pour Mitrione, il n'y a pas de différence. Ce diagnostic est très important. L'Américain préconise même de faire passer préalablement au sujet un véritable examen médical. Avant de le torturer, pourquoi alors ? Pour déterminer jusqu'où on peut aller dans l'interrogatoire. Ouais, c'est-à-dire dans les souffrances qu'on inflige. C'est cela. Car affirme Mitrione, une mort prématurée est toujours un échec. C'est monstrueux tout ça. Je vous fais pas dire. J'ajoute que lorsqu'il le faut, il se livre à des travaux pratiques. En Uruguay, où il sera nommé plus tard à seule fin de démonstration, il fera rafler des mendiants et leur infligera des séances de gégène en faisant varier les voltages. Le gégène que les parents utilisaient en Algérie. Oui, oui, une simple magnéto de campagne, un engin portable. Ah, je vois que les leçons du brave général Osares n'ont pas été oubliées. Oui, mais Mitrione a perfectionné le système, lui. Il emploie aussi des substances chimiques. Le but, c'est de conditionner le sujet, le ramollir, selon les propres termes de l'agent américain. Enfin, lui faire comprendre qu'il est seul dans un monde à part, hors de la réalité. Et pour commencer, on ne lui pose aucune question, mais on le frappe et on l'insulte. C'est quoi ? C'est l'humiliation, ça ? Oui, l'humiliation, après seulement le véritable interrogatoire, peut débuter. J'interromps un instant, Monsieur X. J'ai retrouvé en effet un témoignage hallucinant, le récit, d'un agent double cubain, un certain Manuel Evia, qui a été l'un des élèves de Mitrione et a confié à un journaliste américain les propos que le tortionnaire lui avait tenus sur ses méthodes d'interrogatoire pour faire parler un suspect. À partir de là, la seule douleur qu'il ressentira viendra de l'instrument que vous aurez choisi durant l'interrogatoire. Vous devez éviter que la personne perde tout espoir de survie. Si vous allez trop loin, il se résignera à mourir. Il faut toujours lui laisser un espoir, une faible lueur d'espoir. Quand vous avez obtenu ce que vous voulez, le mieux et de continuer l'interrogatoire avec encore plus de coups et d'humiliation. Non pour obtenir plus d'informations, mais comme instrument politique pour l'effrayer au maximum. Avant toute chose, vous devez être efficace. Vous devez faire le strict nécessaire en matière de dommages et contrôler votre humeur dans toutes les situations. Vous devez agir avec la précision et la propreté d'un chirurgien et avec la perfection d'un artiste. C'est un boulot difficile, mais qui doit être fait ? C'est nécessaire. Pour ma part, c'est mon truc, et je le fais à la perfection. Je suis le meilleur. Il me faut ajouter, même si je n'en ai pas la preuve formelle, que Dan Mitrione a sans doute été l'inventeur des terribles escadrons de la mort. Au départ, ces escadrons de tueurs sont composés de policiers qui décident de faire justice eux-mêmes en éliminant des délinquants. Mais peu à peu, cette méthode radicale sera appliquée aux opposants politiques. Sous l'impulsion de Mitrione ? Vraisemblablement, oui. Vous avez dit que ce Mitrione allait ensuite être nommé en Uruguay, c'est oui. Ça ? Oui, et alors que le président brésilien élu vient d'être déposé par les militaires. En Uruguay, le régime, qui est en principe encore démocratique, doit faire face à la rébellion d'un mouvement d'extrême-gauche, les fameux Tupamaros. Tupamaros, en fait, ça veut dire quoi, ça ? Tupamaros, ça vient du nom d'un chef inca, Tupac Amaru, tué au XVIIIe siècle par les Espagnols. Le mouvement est né au début des années 60 de la protestation d'ouvriers de l'industrie du sucre. Et très vite, il a rallié d'autres couches de la population. C'est un mouvement clandestin. Hein? Oui, un mouvement bien organisé, bien structuré, qui a mené des opérations de guérilla très démonstratives, mais aussi des hold-up ou des enlèvements d'hommes politiques, par exemple. À noter que les Tupamaros ont évité autant qu'il était possible de verser inutilement le sang et qu'ils se sont toujours attachés à dénoncer la corruption. Ouais. Mitrione est donc envoyé en Uruguay pour lutter contre les Tupamaros. C'est évident, même si officiellement il agit en tant que fonctionnaire de l'Agence pour le développement international. Il va donc exercer le métier qu'il connaît le mieux, la formation, l'instruction et la modernisation de la police uruguayenne. Et la torture. Bien entendu. Il a même fait installer chez lui une cave insonorisée où il procède à des démonstrations. Eh bien. Et son action alors contre les Tupamaros est efficace? Oui, il leur porte des coups très durs. De nombreux Tupamaros sont arrêtés. Mais les méthodes de Mitrione sont telles qu'elles font l'objet d'une enquête d'une commission sénatoriale. Le rapport des sénateurs dénonce les arrestations arbitraires et l'utilisation systématique de la torture. Oui, mais est-ce que la publication de ce rapport sera suivie des faits? Non, mais ça explique la suite. C'est-à-dire? En juillet 1970, les Tupamaros réussissent l'une de leurs opérations les plus spectaculaires. Ils kidnappent Mitrione. Et en échange de sa vie, ils exigent la libération de 150 d'entre eux arrêtés par la police. Le gouvernement uruguayen va-t-il être tenté de céder? Non. Non, car il subit une forte pression de Washington. La conséquence de ce refus est prévisible. 5 jours plus tard, on retrouve le corps de Mitrione sur la banquette arrière d'une voiture volée. L'agent américain a été abattu. Vous semblez laisser entendre là que, qu'au fond, Mitrione a été lâché par les Américains? J'en suis sûr. Surtout quand on sait que dès qu'un citoyen américain est séquestré quelque part dans le monde, Washington fait des pieds et des mains pour obtenir sa libération. Mais alors pourquoi aurait-il été lâché par les siens? Trop voyant, trop exposé et pour tout dire, trop embarrassant. À cause de ses méthodes? Oui. Le trop zélé Mitrione a été sacrifié. Enfin, rassurez-vous, aux États-Unis, il est devenu aussitôt un héros. Lors de ses obsèques solennelles, on a vu les plus grandes vedettes, toute la bande de Frank Sinatra et bien sûr de nombreuses personnalités politiques, dont le secrétaire d'État de l'époque. Faut pas oublier que Mitrione était officiellement le représentant d'une organisation humanitaire. Un héros, oui. Le professeur de torture Dan Mitrione. À tel point que le porte-parole de la Maison-Blanche a pu déclarer « Le dévouement de M. Mitrione au service de la paix et pour un monde ordonné restera comme un exemple pour tous les hommes libres de la planète. » Enfin, je me suis reporté au livre « Les maîtres espions » de Roger Faligot et Rémi Koffer, publié chez Robert Laffont. Ces deux auteurs confirment dans une large mesure les propos de M. X. Il s'agit de créer, dans tout le continent, des appareils de renseignement et de contre-guérilla aptes à affronter l'adversaire. Pour ce faire, la CIA renforce ses stations dans les capitales d'Amérique latine. Simultanément, des spécialistes sont envoyés dans tous les pays du continent. Comme Dan Mitrione, ils y formeront les services de répression locaux. Le tout sous le contrôle direct de l'agence qui se réserve le monopole de la vision générale du travail au niveau continental. Cette politique implique à l'évidence la généralisation des méthodes répressives très dures, faisant fi dans de nombreux cas des droits de l'homme. Tant pis, s'il faut se salir les mains, l'efficacité est à ce prix, estime-t-on, à l'anglais. Et sème dans toute l'Amérique latine les escadrons de la mort. Quels que soient leurs sigles, leurs chefs et leurs effectifs, ces groupes anti-subversifs, pratiquant les enlèvements anonymes, la torture et l'assassinat, se réclament d'une idéologie commune et utilisent des méthodes similaires. D'ailleurs, les services de renseignement des divers pays d'Amérique latine qui les manipulent sauront tisser entre eux des liens très solides. Voici le modus operandi de beaucoup de disparitions. L'intéressé est enlevé dans son pays, transféré clandestinement dans un pays allié, assassiné sur place et enfin enterré ou dissous dans un bain de chaux vive. Pas de traces, pas de cadavres, pas de problème. C'est donc déjà l'amorce du plan Condor. Nous verrons la suite avec M. X dans la deuxième partie de ce long entretien.